Planète Rap, 100% rap français. Eh bien, c'est parti pour la nocturne 100% rap français sur Skyrock. J'espère que tout va bien. Certains sont déjà en vacances ou en week-end. Dites-nous un petit peu, envoyez un message 41759, le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. C'est parti, coup d'envoi de cette nocturne. On va débuter évidemment avec ceux qui étaient à l'honneur dans Planète Rap, SCH, MHD, Jul et le Escrew. On va débuter avec le son de Jul. Allez, le son. Non ? Allez, le son. C'est extrait de l'album Emotion de Jul pour débuter cette nocturne. Plein de sons. Il y aura le nouveau Shai aussi qui est arrivé. Big Flo et Oli aussi. Nos amis toulousains. Allez, Toulouse. Damso aussi qui viendra bientôt dans Planète Rap. Et puis du son aussi sur Skyrock. Ce sera celui de Gizmo qui débarque dès lundi 20h-21h. Soyez prêts. Coup d'envoi de la nocturne. 100% rap français. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Excuse le sang, j'ai trop bu col. Je vais pas te courir derrière. Je regarde ta tête et ça tombe derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, ton grand-père. Si un jour je la crois, je vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, je fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez, le sang. Allez, on y va. Allez, le sang. Allez, on y va. La nocturne. Retrouve-moi en top playlist tout dans mon système.

deviens invincible quand j'ai bouffé la sauce graine. J'allume mon pétard, je te fais sentir les hautes scènes. Motherfucker, que j'ai pas ni les teutrés et les faux frères. Toujours à sucer des bites quand ils reniflent un gros jet. Ils ont raté le mili, moi je l'ai dans le holster. Bloqué dans un hall sale, putain c'est la grosse merde. Le passé est marqué mais l'avenir sera prospère. Ouais tu m'as déchiré mais c'était sur un poster. Motherfucker. J'avais des potes, c'était des putes sa mère. Voulez mes stupes, voulez mes thunes, voulez mes tubes, voulez mes putes sa mère. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et j'ai rappé toute ma haine à m'en casser la voix. Je me revois dans des caisses en train de passer la douane. Et ce putain de stress qui vient glacer ma voix. Il se balade dans ma tête depuis la méga drive. J'ai demandé à ma mère quand est-ce que papa rentrait. Mousquina dans son coin, elle attendait la sortie. On a connu la violence et celle avec un grand V. Mon frère est né handicapé, on subissait les moqueries. J'ai la rage depuis gamin, j'ai la dalle et je suis pas calé. T'es mon frère, je prends tes patins, y'a de quoi les rafaler. On ira tôt le matin, on se clashera dans l'allée. Au moment de bang bang, y'aura pas le temps de parler. Si tu vois comme je bois, tu vas canner demain. Si tu vois comme je vois, tu vas armer le chien. Te tirer dans la tête et puis rejoindre des ténèbres avec tous ceux qui foulaient se rappeler de rien. Ouais ma gueule c'est le son toujours anti-poudard. Mais pourquoi t'as bavé, pourquoi t'as pas moukard. Obligé de te traquer, de te frapper, ça résout pas le problème. Ouais c'est vrai, en tout cas ça soulage. Toujours dans le bendo, la fumée du bendo. Tu crois que c'est que 10 balles mais j'ai un extendo. Comment ça tu fais le beau, je vais y aller crescendo. Je traîne dans la rue depuis l'époque Super Nintendo. Bande de bâtards. J'avais des potes, c'était des putes sa mère. Voulez mes stupes, voulez mes thunes. Voulez mes tubes, voulez mes putes sa mère. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. J'ai pas leurs muscles, ils ont pas mon marabout. J'ai pas leurs gazeuses, ils ont pas mon brelica. J'ai pas leurs crasseuses, ils ont pas mes jolies tasses. L'attitude est hargneuse et même si la folie passe, la rage va rester, la dalle va grandir. Les putes vont me tester, ouais ça va sentir. Mais je vais les baiser avec mes vampires. Je sors des CD, je crée mon empire. J'ai jamais gratté, j'ai toujours manqué de tout. Je pensais à braquer, je voulais banquer le flou. J'ai bicrafté que trucs qui peuvent te ruiner une vie. Bon tu connais le quartier, Hugo, j'ai tenté le coup. J'ai roulé ma bosse et j'ai traîné partout. Et j'oublierai jamais que je suis le fils d'un voyou. J'ai pêché, Jack ID, 100% qualité. On peut s'affilier si tu veux vendre des cailloux. On a la dalle sur le terrain, si tu plaques tu le paieras. Et du R5 au R1 jusqu'au Porsche, pas la mer à moi mon bloc peut te faire. J'avais des potes, c'était des putes sa mère. Voulez mes stupes, voulez mes thunes. Voulez mes tubes, voulez mes putes sa mère. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. Prenez tout ça et barrez-vous. J'ai ça en moi. Je retournerai chercher le pactole parce que j'ai ça en moi. Eh ouais ma gueule, c'est ce que c'est hein. Typique. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je suis brave et j'en bave. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. Encore un classique qui nique des mœurs. Attends-toi tout, cette année je fais carnage. Vroom, vroom, vroom, pousse-toi, j'accélère. Je fais trembler le prado carénage. Ça gratte, ça gratte, comme d'hab ça braque, ça braque. C'est sur le T-Max, T-Max. Pour ceux avec la bac, la bac. Arrêtez de me prendre pour ce que je ne suis pas. En bouillon, fuis pas, en poteau, on sneak pas. À loin que l'on arrive, méfie-toi. Ils le savent, savent, qui passe aux aves, c'est cave. Parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je suis brave et j'en bave. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. On danse sur les pimpes, on c'est infernal. Tu me fais le gros, tu n'as même pas 30 balles. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu es P1, tu n'as plus d'amis. T'as gâché, t'as fait couler, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je pense que tu as fait ta vie. Que des traites, qu'ils aillent se faire mettre. J'accélère en CBR, en SLR. Si tu me vois tout niquer, dis-toi que c'est l'heure. Je fais pas de manière, je suis rap. Ils le savent, savent, qui passe aux aves. C'est cave, parfois je tourne, je tourne. gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Oh, j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Oh, j'en ai rien à battre. En tout cas, on s'aime pas, mais on s'attache. On garde des bras d'or, on s'en fout d'être à la poche. Charbon, cambu, braquage. Ma génération veut du cash. C'est le fun de la gratte, les couilles. Mais ça pas la mise si tu te grattes les couilles. Si toute ta famille traque les tous. Et si tu les croises, écrase les tous. Tu te caches, mais on sait tout. Pour rentrer chez toi, tu fais des grands détours. Et que pour t'apprendre, vous me rendez fous. Si vous êtes chaud, on se donne rendez-vous. Ils le savent, savent. Moi j'en ai rien à battre, le sable, toute l'année ça gratte, le sable, ça se balance à gauche, à droite, le sable, et rien que ça blablate, le sable, moi j'en ai rien à battre, toute l'année ça gratte. À gauche, à droite. Sur l'album d'Alonzo avec Jules, ils le savent. Dans la nocturne, on va attaquer les classiques dans un instant, mais juste avant, le son qui nous vient de Bruxelles, Damso. À écouter maintenant Periscope. Et Damso, il débarque dans 15 jours dans Planète Rap, 20h-21h. On pourra découvrir son projet qui sort au mois de juillet. C'est 100% rap français. Vous êtes bien? Dites-nous un petit message, 41759, le hashtag La Nocturne, ça arrive dans le studio. Rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Fantasme. Fantasme. Je fais que du sale sur Periscope. Oui. Oui. Damso PG dans le bloc. Belgium V marqué with mods. Nerf de hippie, gap à top. Je fais que du sale sur Periscope. Faut-il l'ours noir sans les notes. Je la baisse dans le cul, je paye pas la dot. Dans mes petits, je fume de la drogue. John Rick sous protoxyde azote. Dans sa techa, c'est la noyade. J'suis suspecté comme si j'venais de sortir chez Jawad. J'n'ai pas le temps pour les joints, sauf si j'les fuck gratuitement. Négro allume un joint, on ne fume pas de clope dans l'appartement. Toujours caleçon à l'air, mon bas-fesse est impeccable. J'te prends que par derrière, comme passagère sur ma bécane. J'mettrai tout sur les réseaux, oui oui, ta chatte sera ruinée. J'vais te ramer au monde entier grillé, j'vais te serre genrier. J'respecte Beret et Imam, jugement de vautour, j'laisse à Dieu. Négro, j'suis Morgan Freeman, depuis toujours j'suis ton vieux. J'nique des chats et des vétérinaires sur le pont d'Avignon. T'es parti trop tôt, comme Hitler a dit le nazi. Damso, ouais. Ménagère, j'nettoie au bloc. Batterie faible, recharge le stock. Dans la clique, y'a que des locks. Armé dans le clip comme Roi Enoch. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. Ménagère, j'nettoie au bloc. Batterie faible, recharge le stock. Dans la clique, y'a que des locks. Armé dans le clip comme Roi Enoch. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. Bientôt dans Planète Rap, Damso débarque dans une quinzaine de jours avec son album Periscope à l'instant. 1h02. Je crois qu'il est grand temps de passer à une session classique pendant une petite heure maintenant. Vous êtes prêts? Vous avez des morceaux que vous avez envie d'entendre? Balancez 41759, hashtag La Nocturne. Coup d'envoi de La Nocturne maintenant. Planète Rap, 100% rap français. Nocturne classique évidemment. Oh mais... in your boomba, hey, why don't you not bring your team? No, nothing. Massive on the right there. Massive on the right there. Give me the signal, yeah. Signal. Come in. Appelez au score, n'est pas mon genre, ça va sans dire, j'ai jamais posé. La chose, c'est ma vue grandir, j'ai toujours osé poser mes tripes sur la musique. Plutôt crever que t'as fait à l'usine. La luxure m'aura luxure peut-être. J'suis jamais cuit même quand les poulets me cuisinent. Moi j'veux devenir ce que j'aurais dû être. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une viole à Miami Beach. Aider sa mère et l'aimer avec un cœur éternel. Ne pas prendre perpète comme Bernet. J'vais déployer mes ailes, foncer contre quoi encore un PC. Cerveau blessé, bombe vers le ciel. Dites bonjour au banlieusard, fidèle au poste. Demande à la SACEM qui est le boss. Si mon parcours n'a rien d'héroïque,

pouf, le nôtre sans la chenouf. Y'a risque de ouf, tout droit sorti du nouveau. Moi, je suis dans ton poste comme le H dans ton boss. Faire mon temps et mon clash, je rends direct de mon cachot. Quand le chat n'est pas là, les MC font du smurf, c'est de malade. Ce qui manque ici, c'est les meufs et j'ai le malin. C'est dur à la chute vide et ma flûte, s'il te plaît, madame la. Lâche-moi, sale pute. J'ai du genre à faire, plein de comptes à régler. Pris dans le vice, dans la matrice, peux plus m'arrêter. Jusqu'encore encore d'y passer l'été. Il m'en faut plus pour m'impressionner. Négro, la rue m'a sélectionné. Suspect idéal, cru et sincère. Même sur l'argent, sur son seulement sur rien sert. J'écoute le réquisitoire 8-8-2. Ici, on propose de deux. Suppositoire, les deux sont BA. Moi, j'suis une vraie histoire, pas un fantasme. Official depuis la préhistoire. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Je te fais bâtard, même si c'est la vie. Tu crois si j'ai pris, qu'on pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Booba, par deux fois. Allez, par trois fois. On dit toujours jamais 203. Celle-ci, elle est pour celui qui a fêté son anniversaire. Clément, animal son. Peut-être que tu vagabondes. Peut-être que tu rides. Peut-être que tu tomberas sur ce message. Toujours plein d'amour. On pense à toi, Clément. Le morceau que j'ai passé maintenant, il a une histoire particulière. Peut-être qu'un jour je la raconterai dans un livre. Ou sur un album si on me laisse chanter. C'est pas sûr. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. J'ai abrégé les études pour sortir des disques. J'ai vite appris le 8ème art dans les rangs du béton armé. Truc de ouf, pas toujours aisé rude, ma frappe par habitude. Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Si on assure, à l'aise, 92, trop balèze, cool. Hâte avant que les Schmitt viennent à la rescousse. Brave, je défrais la chronique. Tant que je serai dans la street, le move sera grave. Cocu, Brigitte sera dans la cave. Eh, hey, Bellec, c'est du haut de gamme, pas d'amalgame. Gamin, on se ramène sur Neptune, mon amertume. Mon crewman, combat la race humaine. Si tu t'en tires avec des prothèses, c'est que Dieu te protège. Et si un jour on m'entend plus sur le disque, ce sera à cause de ceux qui sucent, trahissent juste pour le pif. Tu parles de femmes, de voitures, de bises et tout. Mais t'es royalties, 5 ou 6 royalties, c'est tout. Tu veux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine, c'est pas la peine. D'exercer, me faire passer les pinces. Rouge chanson, mes versets. Des nègres ont des chattes et des ins. Comment ça, je perds Joe Star dans les journaux. Coupable, voilà les titres. 22, voilà les stars. 9-2, voilà l'équipe, je t'explique. La scène qui veut ma peau perdra la sienne. Oh, froissons les repas dans nos assiettes. Allo, CP2O, encore un chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur. Des gouttes de sang et pas de francs. Malheureusement, yo, j'ai pris des cartons. J'ai trop tiré la vie par le maillot. Ramasse sa vie et conseille à la paix. Voilà, paix, prépare la guerre, je te le rappelle. Miro auront mon soutien jusqu'à ce que je rende l'âme. D'où je viens, pour un gramme, ça finit en drame. Ro, écoute bien, la vie c'est qu'une seule mi-temps. Trop de plomb dans l'autopsie, les MC meurent en imitant le 9-2 et. Tu veux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Tu veux pas imiter. Je trouve pas sommeil, j'arrive pas mais pourtant j'essaie. Ce soir, face à cette feuille blanche, j'y vais car je me dis que la vie est trash. Toutes ces fois où je prends sur moi, les cours sont durs mais je reste froid. Et je peux plaire avec plus de rage au ventre et sur mes lèvres. Et je sais.

C'est la fin de la nocturne. J'aime pas encore. Classique, merci à vous tous d'avoir veillé tard. La Marie était dans la maison. Ouais, Karim grave. Était dans la maison. Non, c'est pas fini. On c'est en fini, encore. Encore. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Fabulo est dans la maison, il va mixer dans un instant. Et ouais. L'autre Fab est où? On l'a perdu, l'autre Fab? Ouais, je sais pas. Et Difool, il est où? Il est dans le coin. Il est là, il crie derrière. Non, Difool, il check. Il check la climatisation de la radio. Ouais, il contrôle les clims la nuit. Il contrôle les clims la nuit, Difool. Je suis là. Non, mais j'ai très inquiet. J'étais dans un studio tout à l'heure avec Romano. Oui. Et au-dessus de nous, on entendait. Donc, on a changé de studio, en fait. Et alors? Je sais pas. Eh ben, merci à vous tous d'avoir veillé tard. Merci, Fredo. Difool, lundi 21h en direct 21h. Et le matin avec Vincent. Avec Vincent, évidemment, pour revivre les grands moments de cette saison aussi. Des très grands moments. Des très grands moments. Quelques exemples, par exemple, lundi Romano, je pense qu'il va escroquer des gens. C'est pas mal. Je pense qu'il y aura ça, un réveil de stars, avec des familles qui vont se faire réveiller par une star. Il n'y a que Skyrock qui vous offre ça. Parfait. Et puis, le soir en direct avec toute l'équipe de la Radio Libre, Marie, je le disais, ouais. Karim qui est là, Samy, on a perdu le Marseillais, je sais pas où il est. Ouais, il est dans le coin, il dansait là. Il est dans le coin, le Belge, il est parti en dépression. Non, le Belge est enfermé avec Romano dans un studio. Oh là, il se console. Il se console. Ah, ça y est, Romano est sorti. Ah, Romano. Il se touche le sexe. C'est moi, il m'a sucé la bite. Qui? Cédric. Avec les dents. Moi aussi, quoi. Ah, c'est ça, mais t'as une grande bouche, gros. Sur le sperme. Je l'aurais mis dans les fesses juste après. Bon, avant un dérapage. Alors, je rappelle que c'était Difool hein, qui était à l'antenne. Non, j'étais un parmi les six. Non, mais parce qu'ils te connaissent au CSA déjà, donc. Voilà, tu sais, on fait. Tout le monde est responsable de ses propos. Exactement. Exact. En tout cas, voilà, c'est beau. Ben, peut-être que vous prépariez en tout cas la Gay Pride qui aura lieu demain et c'est très bien, bravo. Voilà. Fredo, je vais enchaîner avec tes fesses alors. Eh bien, moi je me casse à lundi. Eh bien, moi aussi, j'y vais. Il est grand temps d'y aller. Rendez-vous lundi. Et lundi en direct, évidemment. Et puis juste avant, il y aura Gizmo aussi en direct dans Planète Rap, ouais. À pas louper. Entre 20h et 21h, passez une bonne nuit, Fabulo au contrôle. Petit son reggae pour calmer tout le monde, pour être bien. Un petit bob et retour à la maison. Bonne nuit. Skyrock Radio Station. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop.